Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film savoureux avec Gérard Depardieu. Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère. Un jour, au parc, il fait la connaissance de Marguerite, une très vieille dame. Salut Germain! Salut Polo! Salut Germain! Ah, Germain! Viens, c'est mon anniversaire! Tu peux m'en avoir, on enlève! Je disais à Jojo qu'il avait du beau d'être cuisinier. En s'appelant The Cook. Germain, oui. Je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'étais en Angleterre. Ah. Alors c'est un surnom. C'est comme si on disait de toi The Con, tu vois. Germain, il est pas plus con que vous. En plus, c'est le plus gentil. Je m'appelle Marguerite, avec deux T. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire? C'est compliqué la lecture, tu sais, toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle? La peste. Ah. D'Albert Camus. Albert? Ah ben c'est comme mon grand-père. Alors, avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La tête en friche, un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadesus, un DVD Studio Canal.